nous adressons à vous, frères, qui avez pour le moment la possibilité d'apprendre dans l'école physique bénite. Poussés par la nécessité, dans la soif de la science ou dans l'angoisse de l'amour qui franchit les abîmes, vous avez vaincu les lourdes frontières vibratoires, vous trouvant au point de départ du chemin différent qui vous fait face. Pendant que votre organisation corporelle se repose à distance, s'entraînant pour la mort, vos âmes presque libérées partagent avec nous la fraternité et l'espérance, éduquant facultés et sentiments en vue de la vie véritable. Naturellement, quand vous reprendrez votre enveloppe terrestre, vous ne pourrez conserver le plein souvenir de ces instants en raison de la déficience du cerveau, incapable de supporter la charge de deux vies simultanées. Le souvenir de votre compréhension persistera, malgré tout, au fond de votre être, vous orientant vers des tendances supérieures pour le terrain de l'élévation, et vous ouvrant la porte intuitive de manière à ce que notre pensée fraternelle vous assiste. Lassé des sensations répétées dans le plan grossier de l'existence, vous essayez de marcher en d'autres domaines. Vous cherchez la nouveauté, le confort inconnu, la solution à des torturantes énigmes. Cependant, n'oubliez pas que la flamme du cœur convertie en sanctuaire de clarté divine est l'unique lampe capable d'illuminer le mystère spirituel dans notre marche sur le sentier rédempteur et source d'évolution. Dans le monde, aux côtés de chaque homme et de chaque femme, la volonté de Dieu demeure vive en ce qui concerne les devoirs qui leur reviennent. Chacun a devant lui le service qui est sien, comme chaque jour apporte avec lui les possibilités spéciales de réalisation dans le bien. L'univers s'encadre dans un ordre absolu. Oiseaux libres, en des cieux limités, nous interférons dans le plan divin, nous créant des prisons et des liens, libération et enrichissement. Il faut donc que nous nous adaptions à l'équilibre divin, répondant à la fonction isolée qui nous revient dans la ruche de la vie. Depuis quand faisons-nous et défaisons-nous, terminons-nous et recommençons-nous? Depuis quand nous engageons-nous dans le voyage réparateur et revenons-nous perplexes pour le recommencement? Sur la scène de la surface planétaire, nous sommes les mêmes acteurs du drame évolutif. Chaque millénaire est un acte bref, chaque siècle est un court tableau. Cela dit, tels des enfants insouciants s'amusant seulement de jeux infantiles, nous perdons dans l'utilisation des corps sacrés l'opportunité sanctifiante de l'existence. Ainsi, nous nous faisons les réprouvés des lois souveraines qui nous entravent dans l'étoile de la mort, comme les pirates naufragés indignes de revenir pour une longue période aux luttes en mer. Pendant que des millions d'âmes jouissent de bonnes occasions de s'améliorer et de se réajuster, se livrant de nouveau à l'effort régénérateur dans les villes terrestres, des millions d'autres déplorent leur propre déroute, perdue dans la ténébreuse retraite de la désillusion et de la souffrance. Nous ne nous référons pas ici aux héroïques missionnaires qui supportent les sanglantes blessures des témoignages angoissés, par esprit de renoncement et d'amour, de solidarité et de sacrifice. Ce sont des lumières provisoirement distantes de la lumière divine et qui rentrent au domicile terrestre comme le travailleur fidèle revient à son foyer à la fin du travail quotidien. Nous nous référons aux nombreuses multitudes d'âmes indécises, prises d'ingratitude et de doute, de faiblesse et d'égarement, âmes formées à la lumière de la raison mais tombées en esclavage sous la tyrannie de l'instinct. Nous parlons de nous tous, voyageurs, qui nous nous dispersons dans le désert de notre propre négation. De nous, oiseaux aux ailes brisées, qui tentons de voler jusqu'au nid de la liberté et de la paix, et cependant qui nous débattons dans le bourbier des plaisirs avilissants. Pourquoi ne pas réprimer les cours des passions corrosives qui flagellent notre esprit? Pourquoi souffrir l'ardeur de l'animalité dans laquelle nous nous complaisons dès les premières notions de raisonnement? Toujours le terrible dualisme de la lumière et des ténèbres, de la compassion et de la perversité, de l'intelligence et de l'impulsion bestiale. Nous étudions la science de la spiritualité consolatrice depuis les origines de la raison. Et cela dit, nous nous consacrons à l'avilissement et au massacre depuis les époques les plus reculées. Nous avons chanté les hymnes de louange avec Krishna, apprenant le concept d'immortalité de l'âme à l'ombre des augustes arbres qui poussent sur les cimes de l'Himalaya. Et nous descendions tout de suite après vers la vallée du Gange, tuant et détruisant afin de jouir et de posséder. Nous avons épelé l'amour universel avec Siddhartha Gautama et persécuté nos semblables lors d'alliances avec les guerriers cingalais et hindous. Nous avons été les héritiers de la sagesse dans les temples lointains du Sphinx et cependant, de la révérence, de l'initiation, nous sommes passés à l'hostilité sanguinaire sur les berges du Nil. Accompagnant l'arche symbolique des Hébreux, nous avons lu bien des fois les commandements de Jéhovah, contenus dans les rouleaux sacrés, et inattentifs, nous les avons oubliés au premier son strident de la guerre contre les Philistins. Nous avons pleuré d'émotions religieuses à Athènes et nous avons assassiné nos frères de Sparte. Nous avons admiré Pythagore, le philosophe, et avons suivi Alexandre, le conquérant. À Rome, nous avons apporté de précieuses offrandes aux dieux, dans de meilleurs sanctuaires, exaltant la vertu pour dégainer les armes quelques minutes plus tard dans les frictions des temples, disséminant la mort et intronisant le crime. Nous avons écrit des phrases harmonieuses à propos de la vie avec Marc Aurèle, et nous ordonnions le massacre de personnes dégagées de toute culpabilité et utiles à la société. Avec Jésus, le divin crucifié, notre attitude n'a pas été différente. Sur les dépouilles des martyrs immolés dans les cirques, nous avons versé des rivières de sang en vindicte cruelle, dressant les bûchers du sectarisme religieux. Nous avons soutenu les administrateurs arbitraires et ignominieux de Néron et du Dioclétien, car nous étions affamés de pouvoir. Et quand Constantin nous ouvrit les portes de la domination politique, nous nous sommes transformés de serviteurs apparemment fidèles à l'Évangile en arbitres du monde criminel. Peu à peu, nous avons oublié les aveugles de Jéricho, les paralytiques de Jérusalem, les enfants du lac de Tibériade, les pêcheurs de Capharnaüm, afin de flatter les têtes couronnées des triomphateurs, afin que nous sachions que les vainqueurs de la terre ne peuvent pas fuir le pèlerinage jusqu'à la sépulture. La représentation du règne de Dieu est devenue un caprice de l'imagination de personnes ingénues, car nous n'avons pas voulu abandonner notre position à la droite des princes, assoiffés de fastes mondains. Aujourd'hui encore, après que se soit écoulé presque 20 siècles sur la croix du Sauveur, nous bénissons les baïonnettes et les canons, les mitrailleuses et les chars d'assaut, au nom du Père magnanime qui fait étinceler le soleil de la miséricorde sur les justes et les injustes. C'est pour tout cela que nos celliers de lumière demeurent vides. La bourrasque des passions fulminantes d'hommes et de peuples passe en hurlant d'un pôle à l'autre, semant de mauvais présages. Jusqu'à quand serons-nous les génies destructeurs et pervers? À l'inverse d'être de loyaux serviteurs du Seigneur de la vie, nous avons été des soldats des armées de l'illusion, laissant en arrière-garde des millions de tombes ouvertes sous les alluvions de cendres et de fumée. Le Christ nous exhorta vainement à rechercher les manifestations du Père en notre fort intérieur. Nous avons uniquement assouvi et développé l'égoïsme et l'ambition, la vanité et la rêverie à la surface planétaire. Nous avons contracté de lourds débits et nous nous sommes soumis à l'esclavage des tristes résultats de nos œuvres, nous laissant indéfiniment rester dans la moisson des épines. C'est ainsi que nous avons atteint l'époque moderne où la folie s'est généralisée et où l'harmonie mentale de l'homme est en plein naufrage. Le cerveau évolué et le cœur immature, nous excellons à présent dans l'art d'anéantir le progrès spirituel. Au cours des siècles passés, les villes florissantes du monde disparaissaient en raison des massacres perpétrés par le glaive des conquérants insensibles ou stationnaient sous l'onde mortifère de la peste inconnue et non combattue. Aujourd'hui, les collectivités humaines souffrent encore de l'assaut de l'épée meurtrière et des pluies de bombes assaillissent des populations sans défense. Cependant, la fièvre jaune, le choléra et la variole ont été dominés. La lèpre, la tuberculose, le cancer essuient des combats sans trêve. Mais il existe une nouvelle menace pour le domicile terrestre. le déséquilibre profond, la désharmonie généralisée, les maladies de l'âme qui s'immiscent si subtilement, sapant votre stabilité. Vos chemins ne semblent pas parcourus par des êtres conscients, mais ils s'apparentent à d'étranges sentiers au long desquels s'embourbent les esprits follets, pris d'hallucinations. En guise de fruits des airs sombres caractérisés par l'oppression et la méchanceté réciproques dans lesquelles nous avons vécu, nous haïssons les uns les autres. Nous voyons la terre transformée en un champ aux hostilités presque interminables. Hommes et nations poursuivent le mythe de l'or facile. Des créatures sensées s'abandonnent aux perturbations des passions. Des cerveaux vigoureux perdent la vision intérieure, aveuglés par les tromperies de la personnalité et de l'autoritarisme. Engagés dans des disputes interminables, des duels d'opinions formidables conduits par de délirantes ambitions inférieures, les enfants de la terre s'approchent d'un nouvel abîme que leur regard perturbé ne leur laisse pas percevoir. Ce gouffre béant, mes frères, est le gouffre de l'aliénation mentale qui ne désintègre pas seulement les patrimoines cellulaires de la vie physique, mais qui atteint également le tissu subtil de notre âme, envahissant le cœur du corps périsprital. Pratiquement toutes les situations de la civilisation moderne se trouvent compromises dans leur structure fondamentale. Nous avons donc besoin de mobiliser toutes les forces à notre portée au service de la cause humaine qui est notre propre cause. Le travail salvateur n'est pas une exclusivité de la religion. Il constitue le ministère commun à tous parce qu'un jour viendra où l'homme devra reconnaître la divine présence en tout ce qui l'entoure. La réalisation qui nous revient ne se rallie pas au particularisme. C'est une œuvre générale pour la collectivité, l'effort du serviteur honnête et sincère, intéressé par le bien de tous. Si vous venez à notre rencontre afin de trouver une orientation pour le travail sublime de l'esprit, n'oubliez pas votre propre lumière. Ne comptez pas sur les torches d'autrui pour votre voyage. Dans les plans miséreux de souffrance régénératrice, dans le voisinage de la chair, des millions d'hommes et de femmes qui abusèrent du concours des travailleurs du bien pleurent amèrement, se précipitant dans les ténèbres au moment où ils perdent dans la tombe leurs yeux éphémères avec lesquels ils appréciaient le paysage de la vie à la lumière du soleil. Ennuyés et récalcitrants, ils esquivent toutes les opportunités d'allumer leur propre lampe. Ils détestent les frictions de la lutte, préfèrent la jouissance corporelle comme objectif suprême de leur intention sur la terre. Et quand la mort ferme leurs paupières rassasiées, ils connaîtront une nuit plus longue et plus dense, emplie d'angoisse et de peur. Vous recherchez auprès de nous l'orientation concernant les travaux vous concernant actuellement à la surface de la terre. Séduit par la clarté de la sphère supérieure, fasciné par les premières notions d'amour universel, vous désirez la grâce de la coopération dans l'ensemencement de l'avenir. Vous réclamez des ailes pour vous envoler dans les hauteurs sublimes. Vous avez comme point de mire la coopération à l'effort d'évolution. Indubitablement, l'intention ne peut être plus noble. Il est cependant indispensable que vous considéreriez votre nécessité d'intégration dans le devoir de chaque jour. Il est impossible de progresser dans le siècle sans répondre aux obligations du moment présent. Il est actuellement devenu indispensable de récompenser les énergies, de réajuster les aspirations et de sanctifier les désirs. Il ne suffit pas de croire à l'immortalité de l'âme. Notre propre illumination ne peut être ajournée afin que nous soyons d'une clarté sublime. La reconnaissance de la survivance de l'âme et de l'échange entre les deux mondes n'est pas suffisante à l'audacieuse entreprise de la rédemption. Les personnes légères et les personnes mauvaises, les ignorants et les insensés peuvent également correspondre entre eux à distance, de pays à pays. Avant tout, il faut élever son cœur, rompre les murailles qui nous maintiennent dans l'ombre, oublier les illusions de la possession, déchirer les voiles épais de la vanité, s'abstenir de la liqueur létale du personnalisme avilissant pour que les lueurs du sommet de la montagne resplendissent dans le fond des vallées, afin que le soleil éternel de Dieu dissipe les ténèbres humaines transitoires. Vous qui désirez faire partie dorénavant de l'avant-garde de la foi vive dans le monde, malgré les désagréments qui nous font face, il est exigé de vos personnes la parfaite démonstration que vous êtes sûr de la spiritualité divine. Le plan supérieur ne s'intéresse pas à l'incorporation d'affamés de paradis béatifiques. Admettriez-vous, par hasard, de devoir rester sur la surface planétaire sans finalité spécifique? Si l'herbe tendre doit produire en accord avec des objectifs supérieurs, que dire de la magnifique intelligence de l'homme incarné? Que ne peut-on pas attendre de la raison éliminée par la foi? Nous recevrions des dépôts de connaissances édifiantes aussi sacrées pour un vain sacrifice? Nous aurions la semence de telles bénédictions pour fortifier nos intentions égoïstes d'atteindre le ciel sans escale préparatoire, sans activité purificatrice? Notre objectif, mes amis, ne souffre pas de l'exclusivisme du culte de l'ego. La porte divine ne s'ouvre pas aux esprits qui ne se divinisent pas par le travail incessant de coopération avec le Père Très-Haut. Et le sol de la planète à laquelle vous êtes provisoirement attaché représente le cercle béni de la collaboration que le Seigneur vous confie. Recueillez la rosée céleste dans l'écrin de votre cœur avide de paix. Contemplez les étoiles qui nous font signe de loin, tels de sublimes clins d'œil de la divinité. Cependant, n'oubliez pas le champ des luttes présentes. Le spiritualisme, dans les temps modernes, ne peut limiter Dieu au mur d'un temple de la terre, car notre mission essentielle est de convertir toute la terre en un temple auguste de Dieu. Pour notre avant-garde d'ouvriers décidés et valeureux, la phase d'expérimentation futile, d'investigation désordonnée, de réflexion périphérique est passée. Nous vivons la structuration de sentiments nouveaux, consolidant les colonnes du monde futur. Avec la lumière allumée en notre domaine intérieur, il est normal que les apprentis nouvellement arrivés examinent, pratiquent des sondages et évoquent des théories brillantes où les hypothèses concourent aux côtés de l'exhibition personnaliste. Tout cela est compréhensible et raisonnable. Toute école se caractérise par diverses cours qui forment ses secteurs et ses disciplines. Mais nous ne nous adressons pourtant pas ici à ceux qui rêvent encore dans la cellule du moi, pris par des filets des mille obstacles de la tromperie qui cristallisent leurs impressions. Nous parlons à vous, qui avait ressenti la soif d'universalisme, compagnon anonyme de l'humanité qui s'efforce d'émerger des ténèbres en direction de la lumière. Comment acceptez-vous la stagnation comme principe et la félicité exclusive comme fin? Alimentons l'espérance rénovatrice. N'invoquez pas Jésus pour justifier des aspirations de repos indues. Il n'a pas atteint les culminances de la résurrection sans avoir gravi le calvaire, et ses leçons se réfèrent à la foi qui transporte les montagnes. Ne réclamons donc pas notre entrée dans le monde heureux avant d'avoir amélioré notre propre monde. Oubliez la vieille erreur qui consiste à croire que la mort du corps constitue une miraculeuse immersion de l'âme dans les rivières de l'enchantement. Rendons un culte à la vie permanente, à la justice parfaite, et adaptons-nous à la loi qui appréciera notre mérite toujours en conformité avec nos propres œuvres. Notre ministère est celui de l'illumination et de l'éternité. Le gouvernement universel n'a pas circonscrit nos activités à la surveillance d'hôtels périssables. Nous n'avons pas été convoqués à veiller dans le cercle particulier d'une interprétation exclusiviste, mais à coopérer à la libération de l'esprit incarné, ouvrant des horizons plus clairs à la raison humaine, reconstruisant l'édifice de la foi rédemptrice que les vieilles religions attachées au sens commun des textes oublièrent. Les souffles immenses de l'onde évolutionniste balayent tous les milieux de la Terre. Tous les jours, les principes conventionnels tenus comme inviolables pendant des siècles s'effondrent. L'esprit humain, perplexe, est obligé de procéder à des transitions angoissantes. La subversion des valeurs, l'expérience sociale et le processus accéléré de sélection par la souffrance collective perturbent les timides et les irréfléchis qui représentent une majorité écrasante du peuplement de la planète. Comment répondre à ces millions de nécessités spirituelles si vous ne recevez pas la responsabilité du secours fraternel? Comment guérir la folie à ses débuts si vous ne vous transformez pas en aimants qui maintiennent l'équilibre? Nous savons que l'harmonie intérieure n'est pas un article offert et recherché dans les supermarchés terrestres, mais une acquisition spirituelle seulement accessible dans le temple de l'esprit. Il est donc urgent que nous alignions notre cœur dans l'amour fraternel face au service. La croyance qui attend ne sera pas suffisante dans nos réalisations. Il est indispensable que nous ayons l'amour qui confie et agit, transforme et élève comme réceptacle légitime de la sagesse divine. Soyons des instruments du bien avant d'être des spectateurs de la grâce. La tâche demande courage et une suprême dévotion à Dieu. Quel que soit le cercle dans lequel nous nous retrouverions, ce serait en vain que nous attaquerions l'ombre qui se trouve à nos pieds si nous ne nous convertissons pas en lumière. Et dans la poursuite de l'action qui nous revient, n'oublions pas que l'évangélisation des relations entre les sphères visibles et invisibles est un devoir qui ne doit pas être remis à plus tard et qu'il est aussi naturel que l'évangélisation des personnes. Ne recherchez pas le merveilleux, la soif du miracle peut vous corrompre et vous perdre. Par la prière et par le travail constructif, attachez-vous au plan supérieur et ils vous mettront en contact avec les réserves divines qui approvisionneront chacun d'entre nous selon la juste nécessité. Les dispositions qui vous oppriment dans le paysage terrestre, pour âpres et désagréables qu'ils soient, représentent la volonté suprême. Ne tentez pas de franchir les obstacles, ni même de les contourner par la fuite délibérée. Vainquez-les en employant la volonté et la persévérance, offrant l'occasion à votre propre valeur de croître. Faites attention à ne pas vous déplacer sous la prudence nécessaire sur les chemins de la chair où vous imitez bien souvent le papillon étourdi. Répondez aux exigences de chaque jour en vous réjouissant de satisfaire aux plus petites tâches. N'essayez pas de voler avant d'avoir appris à marcher et surtout ne cherchez pas à obtenir des droits qui vous reviendraient au banquet divin avant d'avoir liquidé les engagements humains. Le titre d'ange est inaccessible sans que vous ayez été auparavant des créatures réfléchies. Des lois souverainement et indéfectibles président à nos destins. Nous sommes connus et examinés en tout. Les facultés concédées aux esprits sanctifiés que nous admirons nous sont prodigués par Dieu en tout lieu, mais le profit est notre œuvre. Les machines terrestres peuvent hisser nos corps physiques à des hauteurs considérables, mais vous ne pourrez jamais vous adonner au vol spirituel par lequel vous vous libérerez de l'animalité sans vos propres ailes. La consolation et l'amitié de bienfaiteurs incarnés et désincarnés vous rempliront de confort comme les fleurs suaves et bénites de l'âme. Cependant, elles se faneront, telles les roses, en un jour si vous ne fertilisez pas votre cœur avec la foi et la compréhension, avec l'espérance inébranlable et l'amour immortel, engrais sublime qui vous apporte le développement sur le terrain de vos efforts sans relâche. Ne convoitez pas le repos des mains et des pieds. Avant d'abriter pareil dessein, cherchez la paix intérieure dans la suprême tranquillité de la conscience. Abandonnez l'illusion avant que l'illusion ne vous abandonne. Empoignant la direction de votre propre existence, laissez le bien planter dans les empreintes de vos pas. Seuls les serviteurs qui travaillent grave dans le temps les bornes de l'évolution, seuls ceux qui se couvrent de la sueur de la responsabilité parviennent à imprimer de nouvelles formes de vie et d'idéal rénovateur. Les autres, qu'ils s'appellent monarques ou princes, ministres ou législateurs, prêtres ou généraux, s'ils se livrent à l'oisiveté, se classent dans l'ordre des suceurs de la terre, ils ne parviennent pas à signaler leur présence provisoire sur la surface planétaire. Ils s'agitent comme des insectes multicolores, retournant à la poussière d'où ils se hissèrent durant quelques minutes. Au retour, donc, dans votre corps de chair, servez-vous de la lumière pour les édifications nécessaires. Nous participons au glorieux Esprit du Christ. Transformons-nous en clarté rédemptrice. Le déséquilibre généralisé et croissant envahit les départements de la pensée humaine. Nations et idéologies, systèmes et principes se combattent désespérément. Une fois la trêve établie dans les relations internationales, ce sont des déplorables guerres civiles qui surgissent, armant les frères contre les frères. L'indiscipline fomente des grèves et l'inquiétude perturbe le domicile des peuples. Les sphères d'action se livrent à la guerre entre elles. incarnés et désincarnés aux tendances inférieures se heurtent férocement par millions. D'innombrables foyers se transforment en ambiance de désaccord et de désharmonie. L'homme se provoque lui-même en duel, même dans l'actuel processus accéléré de transition. Équilibrez-vous dans l'édification nécessaire, convaincu qu'il est impossible de confondre la loi ou de trahir les aspirations universelles.